Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, donc je vais faire aujourd'hui référence à un entretien de Jean-Claude Monod qui s'intitule « Dans Libération, au sommet de l'État, on entend des refrains néolibéraux devenus insupportables ». Pour le philosophe, puisque Jean-Claude Monod, comme chacun sait, est philosophe, les récents mouvements de protestation, qu'ils soient écologistes ou sociaux, traduisent une crise du néolibéralisme. Et dans son dernier ouvrage, il observe le passage, Jean-Claude Monod, d'une domination politique à une domination économique et l'exigence d'un changement de gouvernance face à un exécutif qui s'est largement mis au service des intérêts financiers. Or, je pense quand même que, une fois évoqué, je vais l'évoquer plus longuement lors de cette chronique, une fois évoqué donc cet entretien avec Jean-Claude Monod de Libération, il est bon quand même de dire que depuis un certain temps, à RGM, je parle justement de ce lien entre le néolibéralisme et le pouvoir économique, que le pouvoir économique est devenu, bien sûr, prépondérant dans notre pays. Alors, c'est des propos qui ont été recueillis par Simon Blin, de Libération. Le mouvement écologiste Extinction, Rébellion, a entamé 2 semaines d'action partout dans le monde pour protester contre l'inaction des gouvernements face à la crise environnementale. Il y a presque un an, les Gilets jaunes bloquaient leur premier rond-point pour réclamer plus de justice sociale. Qu'elle touche à la question du climat ou du pouvoir d'achat, que signifient ces nouvelles mobilisations, sinon des crises de gouvernementalité? La formule est inventée à la fin des années 70 par Michel Foucault pour qualifier l'exercice du pouvoir et sa remise en cause par les citoyens dans, je cite, « l'art de ne pas être trop gouverné ». Édition du Seuil. Le directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Monod, réactive le concept pour tenter de comprendre les contestations de l'ordre néolibéral 40 ans plus tard. Dans sa critique des institutions sociales, psychiatrie, médecine, univers carcéral, Foucault soulignait les excès du pouvoir d'État sur les individus. Pour Monod, c'est désormais de la domination économique et ses conséquences sur l'environnement dont il faut se défaire. Alors la question du journaliste, pourquoi reprendre aujourd'hui la notion de crise de gouvernementabilité de Michel Foucault? Et donc Monod de répondre. Dans les années 70, Foucault théorise ce qu'il appelle des crises de gouvernementalité pour définir des phénomènes de contestation du pouvoir comme l'expression d'un sentiment d'abus local et particulier qui s'élargit à un ensemble de relations de pouvoir, voire aux dispositifs entiers de gouvernance. Ces crises sont une manière d'exprimer un refus. Nous ne voulons plus être gouvernés ainsi, voire nous ne voulons pas être gouvernés du tout. Au moment où Foucault avance ce concept, on assiste à l'effondrement de l'URSS. Crise d'une organisation étatique et économique. À l'essor du néolibéralisme comme mouvement intellectuel et à la première révolution islamique. Cette prise de choc dessine le monde actuel. La fin de ce qui se présentait comme l'alternative au capitalisme libéral. La reconfiguration de ce capitalisme est une forme nouvelle de politisation de la religion avec le cas de l'Iran. Mais c'est aussi un instrument de compréhension du passé. On peut remonter au mouvement de contestation interne à l'Église chrétienne à partir du XVIe siècle, qui se sont cristallisés dans la réforme protestante. Depuis, le centre de gravité de ces crises n'a cessé de se déplacer avec les mouvements révolutionnaires du XVIIe et XVIIIe siècle, les insoumissions visant des institutions comme l'armée ou les prisons, les crises sociales et politiques du XIXe siècle et de l'entre-deux-guerres jusqu'aux ébranlements des États dictatoriaux au début du XXIe siècle. en sachant bien, c'est moi qui le souligne simplement, que d'autres dictatures se sont installées depuis. Alors, quel est le mouvement des Gilets jaunes dans tout ça? Traduit-il une crise de gouvernementalité? Et la réponse de mon hôte, c'est oui, dans la mesure où le point de départ d'un mouvement est un sentiment d'abus ponctuel qui s'élargit à quelque chose de beaucoup plus large et diffus dans la société. À la demande de suppression de la taxe carbone, s'est agrégée toute une série de revendications parfois contradictoires. Une autre caractéristique des crises de gouvernementalité est que leur débouché politique est indéterminé. Il y a une valorisation de la révolte sans nécessairement de traduction politique. D'autant qu'aujourd'hui, ces contestations prennent le relais à un moment où les formes traditionnelles de mobilisation politique et syndicale marquent le pas. Ce sont des mouvements qui échappent aux logiques institutionnelles et aux schémas idéologiques classiques. La question, c'est le mouvement des Gilets jaunes serait donc une contestation de l'ordre néolibéral. C'est l'interprétation que j'avance, dit Monod, pour un aspect du mouvement, au moins au sommet de l'État, on entend des refrains néolibéraux qui sont devenus insupportables à une bonne partie de la population. Aider les plus riches profitera aux pauvres. Les aides sociales coûte du pognon de dingue. Mais il faut supprimer l'ISF, facilitons les licenciements pour rassurer les entrepreneurs. Le sentiment que cet État s'est largement mis au service des intérêts financiers des grandes entreprises et des groupes industriels aux dépens des classes populaires ne trouve plus à s'exprimer par le biais des syndicats et des partis d'opposition. Il se manifeste comme révolte. Et qu'en est-il des marches pour le climat ? Qui dénonce l'inaction des gouvernements face à la catastrophe écologique. En quoi illustre-t-elle un rejet du néolibéralisme? La plupart des grands économistes néolibéraux, comme Milton Friedman, ont dénoncé l'écologie comme une grave menace pour le business et comme un risque de planification étatique. Les gouvernants qui ont érigé la libéralisation du marché en boussole de leur action ont réduit l'écologie a un rôle décoratif. Nicolas Hulot l'a vérifié à ses dépens. Au plan des États, de l'Union européenne aussi, des formes de régulation écologique ont été tentées. Mais les lobbies industriels, agroalimentaires, chimiques ou pétroliers ont largement su empêcher ce qui risquait de mettre en cause leurs profits. Au vu de la dévastation de la Terre et des prévisions scientifiques sur le climat, un vent de révolte monte aujourd'hui à travers des mouvements multiples, notamment chez la jeunesse. L'exigence d'un changement profond du paradigme, d'une nouvelle économie politique en rupture avec la course à l'exploitation sans fin de toute ressource disponible, qui est une course au précipice. L'émergence de voix mondiales porteuses de cette exigence écologique explique sans doute le mélange de panique et de haine des tenants du statu quo à l'encontre de Greta Thunberg. Alors, une question se pose, une formule a émergé pour qualifier le durcissement des gouvernements libéraux. Le libéralisme autoritaire, est-ce un pléonasme selon vous? Je ne parlerai pas de libéralisme autoritaire, mais de néolibéralisme autoritaire. Car l'art de ne pas être trop gouverné implique, à mon sens, un héritage du libéralisme sur le plan politique et juridique que nous devons assumer. En revanche, le néolibéralisme, historiquement, était conciliable avec une forme d'autoritarisme où la liberté du marché a été dissociée des libertés politiques et des droits de l'homme. Au XXe siècle, Friedrich Hayek et Milton Friedman ont cautionné ce néolibéralisme autoritaire au point de pouvoir justifier la dictature de Pinochet au Chili. Contre toute mesure socialiste de néolibéralisme autoritaire, si on emploie ce terme pour définir les tendances actuelles en Europe, y compris en France, ne renvoie évidemment pas à de telles pratiques dictatoriales. Ce sont des forces de néolibéralisme qui, tout en s'inscrivant dans le cadre des règles démocratiques, tente de faire passer en force des projets de réforme économique libérale radicale. Il existe aussi des néolibéralismes autoritaires et xénophobes. On touche ici, dit Monod, aux limites de l'élasticité du concept. Dans les cas de Jair Bolsonaro et de Donald Trump, doit-on encore parler de néolibéralisme? La politique américaine Wendy Brown dit que Trump est le cauchemar du néolibéralisme dans la mesure où les premiers ordres libéraux voulaient mettre l'État à l'abri des groupes de pression économique, aussi bien que de l'agitation des masses fascisantes, des aspects d'hostilité. Même Hayek et Friedman, quand ils soutenaient ponctuellement Pinochet, n'en faisaient pas leur idéal politique. Trump donc a donc profité d'un sentiment de déni démocratique réel. Wendy Brown ajoute qu'un Trump est aussi la créature de Frankenstein du néolibéralisme, une réaction imprévue à un idéal de gouvernement, de gouvernance impersonnelle où l'État est censé être géré par des experts anonymes et neutres et où le climat, le primat pardon, de l'économie, c'est aussi le climat, libre provoque des dégâts sociaux qui engendrent un désir de protection des peuples. Mais le sentiment de dépossession démocratique et l'impression d'être abandonné par l'État peuvent trouver un relais nationaliste. L'idée qu'il faut concentrer l'aide de l'État sur les seuls nationaux, arrêter de défendre les minorités, stopper toute immigration en jouant sur l'idée que la souveraineté populaire n'est pas entendue. Trump paraît remettre la politique à portée de voix électorale. Mais au plan économique, ce néo-populisme ne fait que radicaliser le rejet des régulations qui pourraient nuire au business, au big business plutôt. Pour masquer ce jeu de dupe, on recourt au bouc émissaire qu'est l'étranger, ce dont l'efficacité politique n'est plus à prouver. Alors, voilà pour cet entretien de Libération avec Monod. Je crois qu'on a quand même des leçons à tirer sur la situation actuelle. Quand on dit par exemple, enfin je répète souvent que l'écologie n'est pas soluble dans le capitalisme, je crois que Monod nous donne raison, me donne raison dans cette façon de penser. Et puis aujourd'hui, ces reculs sociaux, cette prédominance de l'économique sur le social dans nos sociétés, ne manque pas de susciter des révoltes et bien sûr, ces révoltes sont matées par un autoritarisme de l'État, comme on discutait l'autre jour avec en particulier l'avocate Nancy Rizacher sur la répression de l'État face aux contestations politiques. Et puis la volonté de définir cette révolte comme des droits communs et non pas comme une révolte politique envers l'État, ce qui est particulièrement préoccupant à l'heure actuelle. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.